cacher, ou plutôt un truc à dire. Ça hante mes pensées et m'empêche de dormir. Ça peut paraître étrange ou même difficile à croire. Mademoiselle, je vous le demande, faites semblant de pas le savoir. De pas le savoir. Faites semblant de pas le savoir. Je connaissais pas ça avant, j'en avais juste entendu parler. Les histoires de sentiments, c'est comme du vieux français. Un truc incompréhensible, des histoires phénoménales. D'innocents, j'en prie pour cible d'un cupidon. Sans état d'âme, sans état d'âme, sans état d'âme. Je crois que je vous aime, ça m'a pris il y a quelques jours. Ma vie n'est plus vraiment la même depuis que je connais l'amour. Je crois que je vous aime, ça m'a pris il y a quelques jours. Ma vie n'est plus vraiment la même depuis que je connais l'amour entre nous. D'emploi, je ne sais pas comment m'y prendre, vous le dire, mais combien de fois dois-je à votre balcon me rendre? Mon cœur, quand à lui s'agite, il se bat et frôle l'excès. Donnez-moi une réponse vite, au risque de le faire saigner, de le faire saigner, au risque de le faire saigner. Je crois que je vous aime. Ça m'a pris il y a quelques jours. Ma vie n'est plus vraiment la même depuis que je connais l'amour. Je crois que je vous aime. Ça m'a pris il y a quelques jours.